À l'horizon, Raline Blassa, voir Armenar, Raline Nouveau, délai la base pour que je puisse faire surface. Le nom enfant prend fort, débarque dans les bacs avec tel est mon style et affiche la claque. Regarde à toi, mon esprit est très vif et prend la fuite. Ok, ça, les coups de la bête qui avance avec une seule idée ancrée dans sa tête. Agir de la sorte que nous ouvre les portes de la grande école, école du type au top, du type au top, du type au top. Ha, yeah. Tel est mon style, yeah. Tel est mon phrasé. Quand je prends le mic, personne ne peut m'arrêter. Tel est notre style. Yeah.